l'amour, bien même les doigts pour l'argent, la fierté, le pétrole ou la gloire. Pour quelle raison que peut-on y voir? Sauce qui se bouge, des êtres éveillés qui ne veulent plus que coule. Non, que coule le rouge. Mais faut-il qu'on devienne tous des guerriers pour se faire entendre, se faire respecter et enfin espérer vivre un jour libre et dans la paix? Et c'est un homme qui décide de la vie du monde entier. Et le monde entier se laisse par cet homme guidé. L'homme sans la convention et de révolte et l'âme. Et tout le monde suit comme elle. Ce bouffon hélas. Et c'est un homme qui décide l'avenir du monde entier. Et le monde entier se laisse par cette bonne idée. La pression, la compréhension et de révolte et l'âme. Et tout le monde suit comme elle. Ce bouffon hélas. Votre folle égoïsme, source de scandale, nous fait complètement perdre la tête. De toute façon, l'homme est pourri, et on le sait, on l'a toujours su. C'est l'économie qui nous a tués, car elle nous tue. Elle nous inflige un rythme dont on n'a plus envie. On a trop oublié le sens de nos vraies vies. Pas celui que les gens se donnent pour se rassurer, mais le fait que nous soyons tous et tout simplement des mammifères, il paraît. Et c'est un homme qui décide de l'avenir du monde entier. Et le monde entier se laisse par cet homme guidé. La pression, la compréhension et de révolte et l'âme. Et tout le monde suit comme elle. Ce bouffon hélas. Et c'est un homme qui décide l'avenir du monde entier. Et le monde entier se laisse par cette bonne idée. La pression, la compassion et de révolte et l'âme. Et tout le monde suit comme elle. Ce bouffon hélas. Machine Afrique, des hommes sans vie qui pour quelques fortunes ils n'hésitent pas. Ils s'étripent. On se tue, on se viole, on se meurt, on se ment, on se trompe. Et tout ça seulement, seulement pour nos comptes. Malheur à des choses futiles, à des bouts de papier, tel qu'à des billets à en oublier le plaisir d'un véritable baiser. Et le pire c'est que tout le monde le sait, mais comment vivre autrement? Il faut mettre une valeur aux choses, alors mes amis, mettons de l'argent. Et c'est un homme qui décide de la vie du monde entier. Et le monde entier se laisse par cette homme guidée. La pression, la compréhension et de révolte et l'âme. Et tout le monde suit quand même ce bouffon hélas. Et c'est un homme qui décide l'avenir du monde entier. Et le monde entier se laisse par cette homme guidée. La pression, la compréhension et de révolte et l'âme. Et tout le monde suit quand même ce bouffon hélas. Un homme s'est écrasé sur les murs de la blanche maisonnée à l'aide d'un coucou blindé de C4 et de TNT. Le peuple des États-Unis est en panique. Plus de gouvernement, plus de président. Mais qui sera là pour mettre les coups de triche au garnement? La guerre a laissé des traces amères et dans la rue pleurent nos sœurs et nos frères. Et nous neuf chantons cette chanson ce soir, car nous avons vraiment, vraiment, vraiment peur face à cette imposture.